Voilà, bah merci beaucoup pour ces deux exposés. On va venir en dernier, c'est plus facile parce que je vais m'appuyer sur ce que vous avez déjà dit. J'avais préparé quelque chose, mais je ne vais pas m'en servir. Donc, excusez-moi si le plan est un petit peu, surprenant. Et en tout cas, si c'est un peu décousu, je compte sur votre compréhension. Mais ça me paraît plus intéressant, effectivement, de réagir un peu en réaction pour ouvrir aussi la discussion que nous aurons ensuite. Donc je suis fonctionnaire territorial, administrateur territorial, qui est dans le dernier cadre d'emploi, parce que je parle le mot du corps. Effectivement, territorial, on ne parle pas de corps, on parle de cadre d'emploi. Et je pense qu'effectivement, les mots ont un sens. Et aujourd'hui, c'est aussi ça induit aussi un mode de fonctionnement, un mode de pensée, qui n'est pas un mode de pensée où on met au cœur le corporatisme, mais met au cœur le fait qu'on encadre un certain nombre d'emplois pour donner des règles, pour donner un fonctionnement, pour rendre fluide aussi la capacité que nous avons à gérer les collectivités territoriales. Donc ce cadre d'emploi, moi je vais faire aussi un petit détour par l'histoire, alors avec beaucoup moins d'ambition que mes prédécesseurs, parce que moi je vais me limiter à 40 ans, puisque la fonction publique territoriale n'existe que depuis 40 ans, hein, on a fêté son 40e anniversaire cette année, et le cadre d'emploi des administrateurs est encore plus récent, puisqu'il a été créé en 86, donc il n'a que 37 ans. C'est le petit jeune de cette histoire interversant. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que sur ces 37 ans, aujourd'hui, ça a permis aussi d'être créé à un moment donné de l'histoire, au moment de la décentralisation, des grandes lois de décentralisation, en repensant de manière un peu différente la manière dont on allait structurer cette fonction publique territoriale qui prenait son autonomie par rapport à l'État, pour lui permettre aussi de répondre à ses enjeux. Et ce qui fait que, finalement, on a posé des règles un peu différentes. Ça a eu un rôle d'expérimentation. En restant dans ce triptyque, qui est un triptyque dont on a parlé, où l'élu est très présent, l'élu local est très présent, avec un territoire qui est aussi très présent, parce que, par définition, on est sur le territoire. Et donc, on a aussi des usagers, des habitants, qui sont aussi à portée de main, pour ne pas prendre d'autres termes plus négatifs. Mais j'assume le portée de main, parce que c'est aussi au portée d'oreille qui me paraît intéressant aussi. Comment est-ce qu'on est à l'écoute de ce qui se passe au territoire et de ce qu'ont à dire les habitants? Là, j'ai eu la chance de faire le CHESP, justement, donc le cycle supérieur de la haute fonction publique, du CHESP public, excusez-moi, le cycle de hautes études du CHESP public, donc l'année dernière. Et ce qui est très intéressant quand on écoute aussi en interversant, c'est que nous avons quand même cette habitude d'être régulièrement dans ce triptyque élu, habitant, administration, au quotidien, sur des thématiques de politique locale très diversifiées, quand je venais de la côte, et où, quand je suis arrivé en territorial, j'avais ma mère, ma mère M-A-I-R-E, de Strasbourg, où j'ai commencé mon activité en territorial, qui avait l'habitude de dire dans ses discours qu'en territorial, notre métier, et quand elle nous parlait à nous, votre métier, vous, de cadres territoriaux, c'est bien de faire de la couture fine, parce qu'on déploie sur un territoire l'ensemble des politiques publiques, et la grande question de la territoriale, c'est comment on coordonne ces différentes politiques publiques, parce que nos habitants, ils ne pensent pas culture, urbanisme, sécurité, eux, ils vont voir le maire, parce que le maire, c'est celui qui va répondre à leurs besoins de services publics. Et nous, tout notre enjeu, dans une structure héritée par l'État, qui pouvait être très thématisée historiquement, notre culture, c'est comment on se parle entre services, entre directions, pour entendre derrière la demande de l'habitant, entendre quel est son besoin, et son besoin, il est complexe, parce que son besoin, il est à la fois des enfants, il est à la fois des parents âgés, il est à la fois... Donc cette demande de service public, elle est multiforme, et finalement, être un bon je mettrais plutôt serviteur plutôt que commis, un bon serviteur des politiques publiques, c'est bien d'être cette capacité à ne pas demander à l'usager, à l'habitant, d'aller dans autant de guichets qu'il a de besoin, mais bien de lui apporter une réponse concertée. Et puis moi qui ai eu la chance dans ma carrière d'avoir été directeur d'un territoire au sein de la ville de Strasbourg, donc j'avais plusieurs... un territoire qui correspondait à peu près à 30 000 habitants, avec deux us, un peu diversifié. Moi, vraiment, la grandeur de mon travail, j'ai été 6 ans dans ces fonctions-là, donc en politique de la ville, mais plus largement sur la coordination des politiques publiques, c'est comment est-ce qu'on apporte une réponse concertée. Et puis également par rapport à la gageure ou à la manière dont on a l'impression, enfin la gageure, c'est le souci de comment est-ce qu'on optimise le service public, comment on vient apporter aussi une lisibilité pour l'habitant. Et répondre, alors si je prends à l'inverse, éviter des éléments qui viennent complètement décrédibiliser l'action publique. Quand on refait une voirie, et j'ai un exemple là où on a réussi justement, parce qu'on était sur le territoire, à rectifier les choses avant que ça se fasse, quand on a une direction qui pense à réaménager complètement l'aménagement d'un axe central de la ville de Strasbourg, et puis qu'on apprend 15 jours après que l'école qui donne sur cette rue-là, sur laquelle l'aménagement a été pensé pour d'autres raisons, a choisi de changer l'accès à l'école, pour ne pas condamner l'accès vers la grande voirie, mais pour plutôt avoir une ouverture sur un parc qui était de l'autre côté, bah, ça veut dire que si jamais on n'avait pas réagi avant, on aurait construit un super parvis et qui aurait donné des contraintes énormes à cet axe de structurant qui n'aurait jamais servi, puisqu'on changeait les écoles. Donc c'est là toute la question de la territoriale. L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est quand même pas si nombreux que ça, qu'on arrive à se parler, et que du coup, on a ce rôle comme fonctionnaire aussi, de dire comment est-ce qu'on est les garants de cette cohérence de l'action publique sur le territoire, ce qui pour moi est une des grandeurs de la fonction publique territoriale qui est là. Je voulais revenir un peu, je dis que ce sera un peu décousu, parce que j'essaie chaque fois de me raccrocher à des éléments qu'on a déjà entendus, sur même la création, je reviens un petit peu sur la création, car entend la création du cadre d'emploi. Jusqu'en 84, donc déjà les élus locaux avaient moins de pouvoir qu'ils n'ont aujourd'hui, de pouvoir de décision, d'action. Et puis on a même des collectivités. Alors aujourd'hui je travaille dans un conseil départemental, hein, je suis directeur général adjoint du département du Val d'Oise. Jusqu'en 84, le conseil départemental était présidé par le préfet. Et donc ça montrait bien que c'était bien, il y avait bien une action de l'État. Extrêmement prenante, puisque c'était bien le préfet qui fixait l'ordre du jour et qui présentait des sujets à la discussion des conseillers généraux de l'époque. 84, c'était quand même dans les départements, ça a été vraiment une vraie révolution, parce que c'est un élu, un père parmi ses pairs, un père parmi les conseillers généraux, qui est élu par ses pairs, président ou présidente du conseil général. Ce qui vient complètement transformer ces éléments-là. Et donc on assiste à un double mouvement. Ce mouvement d'une responsabilité beaucoup plus forte donnée aux élus locaux, d'une part, et puis ce grand mouvement de décentralisation qui démarre vers 83, mais qui va se poursuivre par la suite et qui fait qu'on aura des transferts de compétences réguliers qui viendront compléter, enrichir, complexifier l'action publique locale. Ce qui a amené assez rapidement à se dire, par rapport à ces besoins-là, comment est-ce qu'en termes d'administration, comment on se dote aussi d'un cadre d'emploi, de personnes qui auront les compétences, peut-être l'autonomie, en partie en tout cas, peut-être, j'espère, la liberté, en tout cas, quand je parle à des étudiants qui préparent, ou des admissibles au concours, je leur parle d'assertivité beaucoup, parce que pour moi c'est un peu dans la liberté de parole du fonctionnaire, je trouve que l'assertivité est un concept qui vient bien dire ce qu'est pour moi la liberté de parole, c'est la liberté que j'ai d'affirmer ce que j'ai à dire. Et là, quand je parle, c'est bien Rémi Berthier, avec toute son expérience, sa compétence, ses contacts, son réseau, sa réflexion, qui vient prendre le risque de dire à un élu ou à des élus qu'est-ce qu'il pense sur le sujet et qu'est-ce qui lui paraît souhaitable pour l'action publique, mais avec assertivité, et ça rejoint la présence souvent de l'opposition qui n'est jamais très loin du président d'un exécutif local, qu'il soit en capacité, qui laisse la possibilité à l'autre, donc à l'élu, de penser différemment. Donc ça veut dire que je vais m'exprimer de manière assurée, affirmée, tout en montrant bien, avec cette humilité, qui montre bien que je n'ai pas forcément que les sujets sont complexes, donc forcément mon point de vue est restrictif, parce que je parle de mon point de vue, de mes connaissances, et je ne peux jamais englober totalement, complètement, la réalité qui dépasse largement mes capacités intellectuelles. Et donc c'est bien pour ça que c'est cette posture-là qui va permettre effectivement à l'élu d'écouter ce que j'ai à dire, qui va éventuellement poser des questions, qui va éventuellement, et ça arrive aussi de temps en temps, de me dire qu'il n'est pas du tout d'accord avec moi, qui va même pouvoir me dire qu'il ne comprend même pas que je lui en ai parlé, ça peut arriver aussi, hein, c'est la vie, c'est des quotidiennes, mais ce n'est pas grave, parce que pour moi, ce qui est important, c'est cette liberté et cette autonomie de pensée que j'ai, qui me permet d'être légitime pour le faire, parce que je considère que si je ne le fais plus, je ne remplis plus mon rôle. Si je ne le fais plus, si je suis le énième perroquet qui va redire à l'élu ce que l'élu a envie d'entendre, il n'a pas besoin de moi. Ça, il a déjà plein de monde qui le fait toute la journée. C'est pas ça qui est souhaitable. Donc c'est vraiment, pour moi, cette grandeur de la fonction publique, et c'est pour ça que je suis aussi attaché au statut, c'est que le statut me donne aussi cette liberté de me dire, bah, oui, enfin, surtout si je suis sur l'emploi fonctionnel, hein, puisqu'à peu près la moitié, enfin, pour faire en grande ligne, la moitié des administrateurs territoriaux sont sur l'emploi fonctionnel. Donc sur les principaux postes, directeur général, directeur général adjoint des grandes collectivités, et donc qui sont des emplois qui sont par définition précaires. Et c'est normal. Et c'est normal parce que si jamais la beauté et la grandeur de ce métier-là, c'est être en capacité de pouvoir réfléchir, co-concevoir des politiques publiques, de pouvoir avoir un réel pouvoir d'influence sur les élus pour les aider à réfléchir. C'est la manière aussi d'être loyal dans la manière dont ils ont pris la décision, de la mettre en œuvre et même de l'évaluer. Quand j'ai fait le CHESP l'année dernière, c'était une des grandes surprises de mes collègues énarques qui étaient dans ma sous-promotion, c'est que plus on discutait, ils disaient « Mais Rémi, tu te situes où ? Tu te situes dans la conception, dans l'aide à la décision, dans la mise en œuvre, dans l'évaluation ?» Je répondais, mais non, moi je ne peux pas vous dire où je suis partout, parce que l'avantage, c'est qu'on est sur des sujets plus restreints dans un ministère et les décisions qu'on prend ne concernent pas un million de personnes. Et donc on est vraiment sur cette capacité d'avoir des cycles courts de réflexion et de pouvoir expérimenter, tester avec une décision qui est locale, qui est prise par des élus, et si l'exécutif vous suit, ça peut aller très vite. Et puis également cette capacité, parce qu'on est proche du terrain, d'observer, de voir, et du coup de pouvoir rapidement réitérer pour évaluer, voir ce qui fonctionne moins bien, émettre de nouvelles hypothèses de comment on peut améliorer le dispositif et ne pas attendre 2 ans avant de corriger. Donc c'est vraiment ce fonctionnement-là qui est là. Donc pour ça, effectivement, il fallait quand même avoir un mode de fonctionnement un petit peu, un mode de quoi, des cartes mentales un peu particulières, d'où l'intérêt de mettre en œuvre du coup ce cadre d'emploi de personnes qui sont effectivement appelées. Alors notre pour le coup corps de référence initialement était donc celui des aides civiles, donc aujourd'hui c'est celui des administrateurs de l'État. Ça montre bien cette volonté de dire on veut mettre à côté des élus des personnes qui sont en capacité de. Par contre, effectivement, la professionnalisation fait que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aurais beau rester assertif, si jamais je n'ai plus ce contrat de confiance avec mon élu, ça peut donner deux sens. Hein. Moi, j'ai des collègues qui ont quitté leur fonction parce qu'eux-mêmes n'étaient plus en confiance par rapport à leurs élus, qu'ils avaient vu des paroles, enfin, une certaine duplicité, et qui fait que parfois c'est le collègue qui lui-même se met en recherche de mobilité parce que la situation pour lui, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'il veut faire, n'est plus vivable. Et puis, ça arrive peut-être encore plus souvent maintenant. Je dirais l'évolution peut-être des profils de nos élus fait que ça va de plus en plus vite, qu'on a des collègues qui n'ont pas démérité, mais à un moment donné, il y a l'élu qui leur dit « Écoutez, je ne me sens plus vraiment en phase avec ce que vous dites. J'ai envie d'avoir un directeur général qui soit plus proche de ma pensée. » Et donc, dans ces cas-là, on n'a pas de choix. Très rapidement, on sort du jeu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Donc, on est à peu près de la moitié. Hein, on est à peu près... Alors, c'est un petit cadre d'emploi. Hein, c'est un peu compliqué parce qu'il y a d'avoir une vision exhaustive, parce qu'il y avait encore jusqu'en 2012-13 une promotion interne au choix qui fait qu'on n'a pas une visibilité complète de qui est arrivé administrateur territorial. Mais on estime aujourd'hui qu'il y a entre 1500 et 2000 en poste, ce qui n'est pas nombreux. Hein, c'est à peu près 1 pour 1000 agents territoriaux, hein, parce qu'il y a à peu près 2 millions de territoriaux. 1500 à 2000, hein, c'est un petit cadre d'emploi. Et qui est réservé, hein, pour bien situer, qui est réservé aux collectivités qui correspondent à une population de plus de 40 000 habitants. Et donc la moitié n'ont pas fonctionnel, donc surtout directeurs généraux adjoints, et puis des cadres de direction pour le reste, qui en général sont plus thématiques, hein, qui sont directeurs DRH, directeurs des finances, directeurs de la culture, directeurs parfois de la voirie, hein, c'est-à-dire qu'il y a, c'est vraiment très, très, très généraliste. Donc historiquement, à la création du cadre d'emploi, la sociologie, on parle de la diversité, la sociologie a évolué. Elle a évolué, pour moi, je vais faire en quelques étapes rapides. En 1986, il y a eu l'intégration de toutes les personnes qui, de fait, se trouvaient déjà en situation d'être directeur général adjoint des collectivités, des grandes strates de collectivités. Donc ça s'est fait par intégration. Et donc là, aujourd'hui, c'est des gens qui étaient d'anciens fonctionnaires de l'État, pour la plupart, qui avaient déjà une expérience dans l'ancien système et qui se sont retrouvés là, donc avec des parcours finalement assez variés, puisque je n'étais pas encore fonctionnaire à l'époque, mais de ce que j'en entends d'anciens, les carrières en territorial avant la décentralisation n'étaient pas forcément celles qui attiraient le plus de collègues fonctionnaires de l'État. Donc ça c'est, mais à la fois c'est intéressant parce que ça veut dire que la constitution du cadre d'emploi, elle s'est faite vraiment par la reconnaissance de l'expérience. C'est vraiment ceux qui étaient déjà en fonction et qui de fait se sont retrouvés administrateurs. Après, il y a eu les modes de fonctionnement ont été un peu calés sur les concours de l'État. Hein, donc c'était avec les concours d'administrateurs gérés par le CNFPT, mais on a trouvé la même typologie assez rapidement, donc avec un concours externe, avec une prévalence importante de collègues qui étaient passés par Sciences Po, hein, puisqu'on y est là aujourd'hui, qui pour certains avaient préparé à la fois l'ENA et la territoriale, et qui, pour certains, venaient en territoriale parce qu'ils avaient raté l'ENA et qu'ils avaient du coup l'opportunité de démarrer tout de suite. Donc c'était un profil un peu particulier, et puis une volonté de diversifier assez rapidement, volontairement. Donc, le concours interne en disant ça va permettre aussi d'avoir des collègues qui ont eu des carrières intéressantes, qui vont pouvoir le présenter. Et avec à la fois dans ces collègues-là deux types d'expériences, mais j'y vais revenir, c'est encore plus flagrant pour l'étape suivante, soit qui ont été déjà dans des grandes collectivités sur des fonctions du cadre de direction. Hein, qui, je le rappelle, c'est encore 50% des métiers de mes collègues à l'extérieur territoriaux. Hein, je l'ai été et je le serai peut-être de nouveau dans ma carrière. Donc c'est pas, et aujourd'hui c'est aussi cette flexibilité, hein, pour dire dans une carrière. À un moment donné, moi j'ai été DGS de commune, je suis reparti cadre de direction. Aujourd'hui je suis DGS de département et peut-être que demain j'irai faire un détachement à l'État ou en hospitalier. On a des carrières qui sont assez variées. Donc cette deuxième étape, donc les concours internes, et puis du coup aussi troisième concours, hein, donc on a eu l'évolution similaire, et avec aussi cette difficulté de la diversité, parce qu'on s'est rendu compte au fil des années que dans le concours interne, on avait de plus en plus de personnes qui avaient présenté et raté le concours externe quelques années plus tôt, qui réussissaient le concours d'attaché territorial, qui rentraient dans la fonction publique territoriale, et qui quelques années après représentaient en interne. Et donc ce qu'on a appelé, dans notre jargon, qui étaient les faux internes, en fait, qui étaient des externes, qui avaient raté, qui du coup ont pris ce chemin de ce pas de côté en intégrant avec clairement l'idée de pouvoir y arriver. Ce qui en soi, ça ne pose pas de difficulté, si ce n'est que ça vient encore ramener une certaine conformité dans les profils des administrateurs, si les concours internes sont eux-mêmes des profils très proches de ceux des externes qui réussissent. Le troisième concours reste encore très, très limité en nombre de personnes, donc j'en parle à peine parce qu'ils sont tellement peu nombreux, je dirais qu'il reste vraiment une minorité dans le cadre d'emploi. Et puis il y avait la promotion au choix, donc jusqu'en 2013, où des élus, sur des conditions statutaires d'ancienneté et puis de taille de collectivité, pouvaient promouvoir. Et là, aujourd'hui, avec une vraie difficulté, pour en connaître pas mal de collègues qui l'ont été, une vraie difficulté de reconnaissance. En disant aujourd'hui, cadre d'emploi, je ne suis pas passé par les concours, donc finalement, le corps, hein, si je peux reprendre l'analogie, le corps des administrateurs les regardait un peu de haut. Et en 2013, une évolution très importante et qui a vraiment marqué la sociologie, qui est la création d'un examen professionnel qui en fait est un concours qui cache son nom, mais qui vient remplacer cette promotion interne au choix pour imposer un parcours avec des épreuves et des modalités différentes, avec des épreuves qui sont davantage liées sur un regard réflexif sur son parcours, sur qui on est, et avec un grand oral qui ressemble quand même beaucoup au grand oral du concours, mais par contre sur lequel on balaye surtout sur les différentes strates de collectivité, les différentes politiques publiques, et on parle beaucoup des enjeux des différentes politiques publiques, donc pour le côté très généraliste qui est imposé, et qui est d'ailleurs un élément initiatique, hein, donc aujourd'hui on est 300 à être sortis de cette voie-là depuis 10 ans, puisque pour réussir ce concours-là, ça oblige à sortir de son cœur de métier pour aller regarder ce qui se passe sur les autres strates, dans les autres politiques publiques, être capable non pas de tout savoir sur tout, mais être capable de challenger les enjeux de toutes les politiques publiques locales. ce qui est quand même un aspect assez, assez intéressant. Alors, je crois que l'heure passe, donc je vais m'arrêter là pour... Enfin, je vais encore juste vous dire pour encore un petit mot, mais je ne vais pas poursuivre très longtemps, enfin, pour vous dire vraiment que cette évolution, elle est importante. Donc, on assume... Donc, je vous ai parlé de l'aspect emploi fonctionnel donc, qui est clairement assumé, qui pour nous est intégré dans nos gènes. Donc, ce n'est plus une question aujourd'hui. Enfin, moi, je ne suis pas fonctionnel. Je sais que je peux à tout moment être remercié par mon exécutif. Mais je le vis très bien. Et je reviens juste sur le recrutement, qui est une particularité effectivement territoriale. Et ça, j'ai terminé par là, parce qu'il y a ce double mouvement. On a à la fois une condition de grade, donc qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a bien le statut qui vient donner des conditions nécessaires pour pouvoir postuler, et qui fait que c'est là que, justement, on vient garantir une certaine homogénéité, on va dire, dans l'accès au poste supérieur de la fonction publique territoriale, mais avec... Ensuite, un système de recrutement qui est très proche du privé, où les offres de recrutement sont publiques, on candidate, on est reçu en entretien. Sur les emplois supérieurs, en général, on a un entretien avec le directeur général et aussi après ça avec l'exécutif. Si c'est un poste de cadre de direction, selon la taille des collectivités, c'est plus un recrutement administratif piloté par la direction générale pour les directeurs. Et donc on est sur ce double mouvement. Mais qui fait que oui, et ça je vais terminer par là, qu'on est bien acteur de sa trajectoire professionnelle, puisque si je ne fais rien, je ne répète poste. Mon poste, et à chaque fois, si je suis déchargé de fonction, donc si je dois quitter un emploi fonctionnel, il y a 6 mois, je n'ai pas auparavant continué à rêver sur les avenirs souhaitables et possibles, sur les postes d'après que je veux occuper. Si je n'ai pas gardé un réseau qui me permet effectivement de voir clair sur les postes qui sont possibles, le jour où je serai déchargé de fonction, je serai en difficulté. Alors que si j'y ai pensé, eh bien, je me dis, je vais faire une contrainte, une opportunité. Oui, mon activité, mon poste d'aujourd'hui va s'arrêter. Et donc, je le prends comme une opportunité pour réaliser un des avenirs souhaitables dont j'ai rêvé. Voilà, j'arrête là.